l'accordéon. Oh là là que c'est bon, avec une belle ambiance, on peut tenter sa chance, madame. Une rumba, boléro, pourquoi pas. Réservez-moi un slow ou le prochain tango. À l'envers, à l'endroit, la valse et la java, c'est bon pour le moral, la compagnie régale. On ne sait pas pourquoi, du bal il est le roi, mais on l'aime chez nous, l'accordéon c'est fou. Vas-y joue ton bijou, et le son où l'on aime c'est fou. Voilà, c'est l'heure de se retrouver comme tous les dimanches avec la musette de l'accordéon. Aussi, j'espère que vous avez passé un bon dimanche matin et puis ici, très bonne pour l'émission de tout simplement avec entre 10h. Jusqu'à 12h30, le téléphone sonne tout simplement. Donc j'espère que vous avez passé. Et bien sûr que vous allez retrouver bien sûr Jérôme donc et bien dimanche prochain, toujours. Nous sommes ensemble pendant quelques heures avec, bien sûr, la musette d'accordéon. Voilà donc, eh ben, je vous emmène du côté de la Belgique et puis juste après, du côté de la Bavière. Donc, eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Il va pas dans les chicanos. mes doigts, bien poissé à la graisse de chevaux de bois. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait les pom-pom. On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pompons. Avec qui n'est pas tant tellement en attendant, dans le salon. Là où il y a des frites. voici donc du côté du Tyrol, et puis juste après, on écoutera un morceau tout simplement argentin. Thank you. voici donc un accordéoniste portugais. L'accordéon tyrolien et puis juste après la musette. We'll be right back. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. Voici donc l'ambiance, tout simplement, musette d'accordéon. Les personnes qui aiment beaucoup l'accordéon, donc dans l'après-midi, c'est rue Lazare Carnot, c'est à Fleury des Aubrais, aujourd'hui à Fleury, donc avec l'accordéoniste Fernando Martin, et bien il est présent tout après-midi, donc et bien venez en famille, aussi tout seul, tout simplement, ou en compagnie, tout simplement, et l'entrée est libre, donc c'est avec Fernando Martin, l'accordéoniste, tout simplement. Du côté du Pays Basque. Et puis juste après le Sirtaki. We'll be right back. Arc-en-ciel. Voici un morceau du tango. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc de la polka, tout simplement. Et puis après, ce sera de la folk. C'est du folklore. We'll be right back. voici la valse. Et puis, juste après le passe-double. We'll be right back. voici donc du Père Noble. Voici donc de l'accordéon basque et puis juste après la guinguette. On retourne avec un morceau tire-boulien. Et puis juste après la Java. baraque, la java des verts basque. C'est dimanche sur les hanches, on va poser les deux mains. Ça fait longtemps qu'on la traque, la java des verts basque. Maintenant qu'elle est là, on ne la lâche pas, on l'adore cette java-là. Les parigots nous l'ont pris, notre père est du pays. Ils n'ont plus rien sur la tête, il leur reste que la baguette. La dépêche nous va bien, on leur laisse le parisien. Le soleil est là, viens et suis mes pas, on va danser la javala. La dépêche nous va bien, on leur laisse le parisien. Le soleil est là, viens et suis mes pas, on va danser la javala. Le soleil est là, viens et suis mes pas, on va danser la javala. Voilà, on reste encore un autre morceau de Java. Et puis juste après, la balle. Hey! On est invité avec tes amis au bal polonais. Ça fait une semaine qu'on s'est préparé. On n'est pas couché avec les Polonais. Hey là. Et faire la fiesta avec les Polonais. Si t'es fatigué, une petite vodka et c'est reparti avec les Polonais. Hey là. On a qu'une envie, c'est de retourner pour bien s'amuser avec les Polonais. Hey là, la la la la la, vous pouvez chanter hein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hey!

donc le tango. Thank you.

voilà, après le tarentelle, voici tout simplement en Belgique. Et on fait la fiesta jusqu'au petit matin. On aime l'accordéon, on danse main dans la main. On chante cette chanson, dont voici le refrain. Dans le nord, on aime les frites, les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Dans le nord, nous, on aime. Les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Allez. On aime la compagnie, les films de Dany, les sorties sous la pluie dans notre plat pays. On mange du maroilles et du coq à la bière. Et on aime embrasser nos belles cavalières. Dans le nord, on aime les frites, les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Dans le nord, nous, on aime les frites, les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Dans le nord, nous, on aime les frites, les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Dans le nord, nous, on aime les frites, les frites, les frites. Et oui, on a toujours la frite, la frite, la frite. Allez. personne. Pour aller faire la fiesta le samedi sur la plaza, entouré des plus beaux gars. Mais soudain, quand minuit sonne, tout le monde file chez Rosita. La sanglia coule à flot, la paella est extra. C'est comme ça chez Rosita. Voilà. Voilà donc, eh bien, déjà bientôt 16h, bah, ce qui était avec ce titre-là. Voilà donc Marina. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un moment avec plusieurs morceaux d'accordéon. Donc, on se retrouve donc, eh bien, dimanche prochain, toujours à partir de 13h30. Et puis ainsi, on se retrouve mardi et vendredi, tout simplement à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir et à toutes et à toutes. São 3 horas, 2 nos Açores. As notícias numa síntese com Cláudia Aguiar Rodrigues.